J'ai rencontré un garçon 10 jours avant le début du confinement. C'était donc le 6 mars. J'étais à une soirée chez un ancien collègue et le garçon en question était son ami d'enfance et il était là. On a bien accroché à cette soirée, mais on n'était pas tout seul, donc on a eu l'occasion de discuter un petit peu, mais pas de manière très approfondie. Moi, il me plaisait bien, j'étais pas sûre que ce soit réciproque. Quoi qu'il en soit, je l'ajoute sur Instagram le lendemain et voilà, il me répond avec pas mal d'enthousiasme et on commence à discuter de fil en aiguille, de plein de choses. Et assez vite, on se dit que ça pourrait être sympa de se voir. Il veut m'emmener dans un restaurant péruvien parce qu'il est d'origine péruvienne et qu'il veut me faire découvrir la cuisine locale, les cocktails de là-bas. Donc on se donne rendez-vous la semaine suivante, le jeudi 12 mars, donc 4 jours avant le début du confinement. On passe une très bonne soirée, on va boire un verre, on va donc dans un restaurant péruvien, on discute beaucoup, je pense qu'on passe 4-5 heures ensemble, on se découvre un peu, voilà, donc pour le coup je sens que je lui plais et que donc c'est réciproque. On rentre en métro ensemble et sur le quai, il m'embrasse. Il y a un petit peu de maladresse mutuelle dans ce premier baiser. On n'est pas sûr. En même temps, on trouve que on sent qu'on se plaît. Et en même temps, c'est vrai que ça va vite. Et voilà. Mais il y a une sorte d'évidence. Donc voilà, on profite du moment. Chacun rentre de son côté. On est tout content. Mais bon, on ne sait pas encore trop où est-ce que ça va tout ça. On a tous les deux des plans pour le week-end, donc on se dit qu'on se verra la semaine suivante. À ce moment-là, on est juste, enfin pendant la soirée, notre soirée du jeudi, on a appris que les écoles seraient fermées dès le lundi suivant. Donc on sent quand même que le confinement, enfin on se pense pas qu'il nous pendonnait, mais en tout cas on sent qu'il y a des mesures qui vont être prises de plus en plus par le gouvernement, mais on se dit que bon, on trouvera bien, on ira au restaurant, on ira boire un verre la semaine prochaine. À ce moment-là, on n'est pas encore conscient de à quel point ça va être compliqué. Puis bon, bah bam, pendant le week-end, fermeture de toutes les lieux non essentiels, voilà, restaurants, bars, etc. Donc on commence un petit peu à s'inquiéter, à se dire bon, on aurait peut-être dû se voir le week-end. On avait prévu de se voir le mardi suivant. Et puis sentant une espèce d'urgence, on décide plutôt que de se voir mardi, de se voir le lundi. Pas dans un restaurant, pas dans un lieu, un lieu de divertissement, mais on se dit qu'on va aller regarder le coucher de soleil au parc de Belleville. On se fera une petite balade, voilà, juste lui et moi, même si le temps n'est pas au rendez-vous, un truc un petit peu romantique. Dans l'après-midi, annonce de la fermeture des parcs dans Paris. Donc à nouveau, nos plans sont bousculés. Donc je lui propose de passer chez moi. Moi, j'ai récupéré mon ordi pour télétravailler. L'annonce du confinement n'est pas encore tombée. Donc même si on se doute que voilà, va y avoir des annonces, moi, on m'a très fortement encouragée à aller récupérer mon poste de travail pour télétravailler dès aujourd'hui, dès le lundi, de pas attendre le lendemain. Il vient passer la soirée ici, on passe un super moment, voilà, on s'embrasse, etc. Je choisis, et je pense que c'est un choix partagé, de pas aller plus loin. J'ai pas envie qu'on couche ensemble, en fait, parce que justement, je sens qu'entre lui et moi, ça pourrait être. Il y aurait peut-être une possibilité de quelque chose de sérieux, en tout cas. Et je crois que j'ai envie de prendre mon temps et je vois que lui aussi il est très content que je lui dise que je préfère qu'on attende. Donc encore une fois, on se sent sur la même longueur d'onde, lui et moi. On loupe évidemment les annonces officielles puisqu'on est dans ma chambre, mais bon, juste avant qu'il parte sur les coups de 21h30, 22h, on regarde et puis bon, donc on voit qu'à partir du lendemain, la France est confinée. Au départ, c'était 15 jours. Donc bon. On est un peu pris de court, mais bon, on se dit qu'on va faire contre mauvaise fortune banqueur. Il rentre chez lui. Le lendemain, ou le surlendemain, je sais plus. Enfin bon, on est tout le temps en contact, on s'écrit beaucoup et on se téléphone le mardi ou le mercredi. On discute, etc. Et en fait, le lendemain, on se dit qu'on s'appellera peut-être plutôt le jeudi. Puis finalement, moi, je lui dis que j'ai envie de l'appeler aujourd'hui. En fait, je sens l'un comme l'autre qu'on a envie de se découvrir, malgré confinement. Donc en fait, on prend cette habitude de voilà, de s'appeler en visio, parce qu'au début on s'appelait juste voilà au téléphone, de s'appeler en visio tous les soirs pendant en général 1 heure 1 heure et demie, 1 heure 45, voilà, donc 18 h, c'est notre petit rendez-vous quotidien. On s'envoie beaucoup de messages dans la journée, mais il y a du coup ce visio où il y a quand même le visage, la présence de l'autre, on se voit, donc c'est quand même, même si ça remplace pas le contact physique, ça c'est quand même important. Voilà, donc c'est un peu particulier parce qu'on se découvre différemment finalement, on parle beaucoup, on échange beaucoup sur plein de choses, on se raconte nos journées, bon, qui sont certes pas hyper remplies, mais on rebondit sur d'autres sujets. Voilà, c'est une découverte un peu particulière. Malgré le contexte, on a envie de se dire plein de choses, on a envie de un petit peu, d'une certaine manière, définir un peu la relation, de se dire ce qu'on attend, même si on est assez convaincu là comme l'autre, je pense, enfin moi je parle pour moi, mais que on cherche la même chose en fait, qu'on a envie de quelque chose, voilà, d'un vrai début de relation. Après, pour la suite, on verra bien, mais en tout cas, on a envie de se dire qu'on est ensemble, et en même temps, c'est un peu nul de se le dire par visio. On échange aussi beaucoup par message, on s'envoie des photos, tout ça, ça crée un lien. Malgré le confinement, on se sent quand même très proches l'un de l'autre, on se découvre, on se raconte des choses assez personnelles, on se rend compte qu'on est pareil, qu'on partage beaucoup de traits de caractère, des goûts. Oui, c'est un peu magique. Histoire d'envisager un après, de se projeter un peu sur la suite, la première chose qu'on fait, c'est qu'on se crée un petit cahier du confinement. J'ai plein de cahiers chez moi, donc je lui envoie une photo, il en choisit un, j'écris dedans pour nous une liste, toutes les choses qu'on va faire quand on sera déconfiné, allant de, évidemment, passer une nuit ensemble, en passant par aller au théâtre, faire une expo, manger italien, se présenter nos potes. Enfin voilà, il y a un truc un peu qui se crée, qui est un truc un peu joyeux, de se dire, bon bah, quand on pourra enfin sortir, on fera tout ça ensemble. Et puis ça crée aussi une projection, quoi. On se projette, on envisage la suite ensemble. Et puis on a envie d'y être. On se découvre un peu comme ça aussi, en voyant ce qu'on a envie de faire ensemble, ce qu'on aime, nos goûts. Finalement, quand on apprend que le confinement est prolongé à nouveau de 15 jours, bah, on le vit pas très bien l'un comme l'autre, bon, même si on s'en doutait un peu. Donc on se dit qu'on va, voilà, on va trouver un moyen de se voir, même si c'est un peu contre les règles entre guillemets, mais qu'on va essayer de contourner un peu tout ça. Donc lui est en télétravail de son côté, il habite en banlieue, je suis à Paris, donc on n'est pas à côté, mais il est amené un moment à se déplacer au boulot pour aller signer des papiers. Donc son boulot est pas très loin de chez lui en voiture, mais il fait ce détour par chez moi pour qu'on se voit. Il habite en coloc, moi aussi, donc il n'est pas question de se voir voilà, chez l'un ou chez l'autre pour pas risquer une quelconque contamination. Donc en fait, on se voit dans sa voiture. On se retrouve dans sa voiture, donc c'est très fort. On passe juste 1 heure ensemble pour respecter les règles des sorties. On a chacun notre autorisation. J'ai ma petite bombe de gel hydroalcoolique. Bon, on a tellement parlé en fait que là surtout on a envie juste de se sentir, de se voir, de se faire des câlins, des bisous. Mais il y a quand même, on avait un peu parlé l'un et l'autre, mais que ce serait l'occasion, comme on se voit en vrai, de vraiment voilà, on peut se dire des choses un peu sérieuses, et ça arrive puisqu'il me demande un peu solennellement, un peu comme si on avait 15 ans, si j'ai envie d'être sa copine et enfin de sortir avec lui, et je dis oui. Et donc c'est bizarre parce qu'en tout on s'est vu 4 fois, pas forcément beaucoup de temps et pas forcément tous les deux, mais oui, on est ensemble. Je pense que, au vu en plus de la prolongation du confinement, on trouvera bien, on réitérera l'expérience pour essayer de se voir, parce que c'est dur. Donc c'est sûr que le confinement, le fait d'avoir créé cette relation juste avant, ça rend le confinement à la fois un peu, pas forcément agréable, mais en tout cas moins dur, parce qu'on a cette présence, on a ce coup de fil hebdomadaire, on a toutes ces petites choses sympas qu'on imagine pour la suite. Donc ça fait quand même de la joie dans tout ça. Et en même temps, c'est sûr que bon bah ça crée aussi beaucoup de frustration, parce qu'on a l'impression d'avoir un début de relation un peu tronqué, qu'on nous vole un peu nos premiers tout en étant comme ça séparés l'un de l'autre, alors qu'on aurait envie de passer du temps ensemble et de se découvrir. Donc c'est pas facile. Je dirais que notre relation, elle a quand même été vraiment beaucoup déterminée par le confinement, enfin la façon dont ça s'est déroulé. Donc c'est assez marrant. Je peux pas vraiment imaginer comment ça se serait passé sans le confinement. Bon, j'imagine qu'on serait peut-être arrivé à la même conclusion, qu'on aurait officialisé assez rapidement parce qu'on en avait envie l'un comme l'autre. Mais c'est vraiment une relation née quasiment au début du confinement. Donc c'est un début particulier, mais dont on se souviendra. Et j'espère aussi que cette façon d'avoir commencé une histoire fera aussi qu'elle elle pourra durer dans le temps parce qu'on n'a pas on a mis l'accent sur des choses différentes, pas forcément sur le sexe tout de suite et tout parce qu'on pouvait pas et peut-être que c'est aussi la promesse de quelque chose qui va durer.